Matthieu 5, écoutons le texte. Les versets 13 à 16. Un texte très connu. Matthieu 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le scellera-t-on? Ce sel vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une colline ne peut pas se cacher. Il en est de même d'une lampe. Si on l'illumine, ce n'est pas pour le mettre sur une mesure de grain. Au contraire, on le fixe sur un pied d'une lampe et qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Voici notre texte pour ce matin. Mais ce matin, j'ai ouvert mes courriels et un de mes amis m'a envoyé une image. Et j'ai dit, ah, il faut que je montre ça à l'église ce matin. Donc, voici notre image pour ce matin. Hop, voilà, OK. C'est petit, mais c'est Jésus assis à côté d'un homme. Ils sont sur un banc du parc. Et Jésus dit, « Non, je ne parle pas de Twitter. Littéralement, je veux que tu me suives. » On a dit que l'Évangile de Matthieu nous enseigne trois choses fondamentales. Le mot-clé, c'est le mot « disciple ». L'Évangile oriente notre comportement, notre vécu, pour que nous soyons tous les apprentis de Jésus. Le verbe clé, suivre. Un apprenti, selon Matthieu, n'apprend pas uniquement, il suit le maître. Et le contenu de cette suivance, c'est les cinq discours dans l'Évangile. Et on va concentrer cette année, cet automne, cet hiver, le printemps, sur le sermon sur la montagne. Mais quand j'ai vu ça ce matin, j'ai rigolé. Parce que, oui, oui, qu'est-ce qu'on fait avec Twitter? On suit des gens sur Twitter. OK. Et Jésus dit, non, c'est pas ça que je dis là. Ne me suis pas sur Twitter. Je veux littéralement que vous me suiviez. Donc, et ce matin, nous allons complimenter les béatitudes en regardant qu'est-ce que Jésus dit sur encore qui on est. N'oublions pas, l'invitation précède l'impératif. Et au début de ce sermon, ce discours, Jésus prépare ses disciples en parlant de qui ils sont. Donc, on a vu il y a deux semaines, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. La semaine passée, heureux ceux qui se lamentent. Et on a vu l'importance de l'humilité, de ne pas être prétentieux. L'importance de vivre humblement notre vécu en tant qu'apprenti. Maintenant, chaque mois, nous allons continuer avec les autres béatitudes. En deux semaines, Yann va prendre le troisième. Heureux ceux qui sont humbles. Et ensuite. Mais ce matin, je nous lance dans l'étude du sermon avec trois métaphores qui se trouvent dans le texte. Trois comparaisons. Le premier, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville sur une colline. Et on va les examiner tous les trois ce matin. Commençons avec le premier. Vous êtes le sel de la terre. Afin de m'aider, j'ai décidé de ne pas plonger dans tous mes lexiques grecs, blablabla, mais j'ai décidé de profiter d'un des livres préférés de mon épouse, The Joy of Cooking. Et si vous voulez avoir une excellente description du sel, je vous invite de mettre à côté tous vos trucs théologiques et bibliques. Mais des fois, regardez dans des ressources comme The Joy of Cooking. Le sel, qu'est-ce que c'est? Alors, voici ce que j'ai tiré de mon expérience et de ce livre. Tout d'abord, nous savons que, avant tout, le sel est un préservatif. Surtout à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes habitués, lorsqu'on parle sel, on parle d'un petit cellier avec les petits grains de sel. Ça, ce n'était pas autant aussi vrai à l'époque de Jésus, parce qu'on parlait des gros blocs de sel avec des immenses cristaux. Et, évidemment, quand Jésus parlait, il n'avait pas le bénéfice de Hydro-Québec. Et la réfrigération n'existait pas. Donc, comment préserver les aliments? Avec le sel. Et sa vocation première était de préserver les aliments. Mais le sel était aussi un peu moins à l'époque de Jésus, surtout à notre époque. Il est là pour ajouter du goût, de donner un saveur. Mais, le livre l'a bien dit, ma mère me l'a répété tant de fois quand elle était jeune. Elle dit, on met le sel pendant qu'on fait le repas, pas une fois que le repas est sur la table. Parce que qu'est-ce que tout jeune voulait faire? On voulait qu'il y avait autant de sel dans notre assiette que le McDonald's a mis dans les frais. OK? Et ma mère m'a constamment dit, non. On met le sel pendant qu'on cuisine. De cette façon, ça ne serait pas nécessaire d'en ajouter après. Plusieurs d'entre vous savent que j'aime jogger, je fais du jogging. Et qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui fait du jogging? Quoi? Oui, il souffre, ça c'est vrai. Transpire. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque un coureur, quand il transpire, qu'est-ce qui sort? Le sel. Et pour cette raison, après que je termine une de mes longues courses de 10, 15, 20 kilomètres, je suis toute blanche sur mon chandail. Parce que c'est le sel. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Voilà, et souvent ce que je fais, c'est que je mets mon doigt dans le cellier et je le lèche afin de me ressourcer. Jésus dit dans ce texte, vous êtes le sel de la terre. Maintenant, pensez-y. Le texte ne dit pas, Yann, t'es le sel. Pierre, t'es le sel. Nicolas, t'es le sel. Le texte ne dit pas ça. Qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit, nous sommes le sel de la terre. C'est la communauté de disciples qui sont visés. Maintenant, il faut que Yann et Pierre et Nicolas représente la communauté dans le train-train de la vie. Mais le monde ne voit pas le sel en Yann, Pierre et Nicolas, indépendamment de nous. Deuxième chose, regardez le temps du verbe. Le texte ne dit pas « vous serez ». Vous devrez être. Ça serait une bonne idée si vous y pensez. Le texte dit, vous êtes. Une description de notre être. Une fois qu'on a accepté l'invitation, tout de suite, Jésus dit, par votre changement, le fait que vous avez décidé de me suivre, le fait que vous m'avez accepté, le fait que vous faites partie de cette suivance, vous êtes par nature le sel de la terre. Et je trouve c'est intéressant que le texte dit, vous êtes le sel du monde, littéralement, de ce pays, cette nation, cette ville, ce quartier. Le terme ici Et très précis, géographiquement parlant. Là où vous êtes le sel. Versus, dans le deuxième, vous êtes la lumière du monde. Littéralement, le cosmos, la façon que les gens pensent. Donc, le sel est pour nos lieux. La lumière, c'est pour notre façon de penser. Mais j'y arrive. Cette description du peuple de Dieu a des racines dans l'Ancien Testament, dans les racines vétérotestamentaires. En Lévitique 2 et en Nombre 18, et chose certaine, Matthieu à Jésus, il a été inspiré par l'Ancien Testament. C'était des Juifs. Et le sel était un symbole de la nature indestructible de l'Alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Autant sa longueur, en temps, que sa fidélité. Dieu a scellé son alliance avec le sel. Mais dans le Nouveau Testament, le sel représente la différence que nous sommes, que nous nous distinguons par le fait qu'on est le sel de ce monde. Donc, ça veut dire que quand Jésus dit « vous êtes le sel », Jésus est en train de mettre une exigence sur notre comportement. Et cette exigence est expliquée par ce qui suit. Regardez le texte. « Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? » Pensez-y deux secondes. Si vous prenez même un de nos petits grains de sel et vous le mettez dans l'eau et ensuite vous essayez de le récupérer pour votre repas, qu'est-ce que vous allez avoir? Rien! Et c'est ça que Jésus dit. Il dit, ce sel ne vaut plus rien. À son époque, ce qui est arrivé sûrement, c'est que ils avaient des gros cristaux de sel qu'ils utilisaient pour préserver les aliments, les aliments. Mais avec la chaleur de la journée, les cristaux auraient fondu. Et ces cristaux auraient perdu leur capacité de préserver. Et tout ce qui restait, c'était la forme. Et Jésus, de façon très graphique, a dit, si le sel perd sa saveur, sa capacité de préserver, à quoi servira-t-il? Zip! Et Jésus ajoute quelque chose, et notre texte, au moins mon édition, a rendu le texte un peu hygiénique. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Littéralement, ce sel n'est même pas bon pour la terre ou pour le tas de marde. C'est ça l'image dans le texte. Ça ne valait même pas la peine de le mettre dans le clos des cochons. Ça ne valait rien. Donc, la première chose que Jésus dit, c'est que vous êtes différents dans votre localité, dans votre milieu. En tant que peuple de Dieu, nous sommes dans notre être. Le fait que nous avons décidé de suivre Jésus, Jésus dit, vous êtes différents. Donc, notre pouvoir, notre puissance réside dans ce qui nous distingue. Et qu'est-ce qui nous distingue? C'est que nous avons décidé de suivre Jésus. Pas une idéologie, pas un autre isme. Nous avons décidé de suivre le Maître. Et le Maître vit en nous. Et il dit, là où vous habitez, là où vous travaillez, dans vos réseaux d'amis, dans votre famille élargie, vous êtes différent parce que vous avez décidé de me suivre. Et n'oubliez pas le verbe. Pas vous devrez être. Vous êtes le sel. Dans l'histoire de l'Église, il y a toutes sortes d'exemples de cela. Je pense qu'un des exemples le plus frappant, c'était l'Église en Angleterre dans le 19e siècle, quand certains politiciens chrétiens ont décidé que l'esclavage était une honte. Et ils ont dit non, nous ne pouvons plus défendre cette politique. Donc, ils ont travaillé ensemble, ils ont mobilisé l'Église, ils ont commencé d'introduire dans le Parlement des projets de loi pour combattre l'esclavage. C'était un mouvement qui a réformé les prisons, qui a aboli le travail des enfants de bas âge, qu'ils ont institué dans tout le pays l'éducation publique gratuite pour les enfants. Mais le plus difficile, c'est de combattre l'esclavage. Parce que ça touchait ça. C'est bien beau de réformer les prisons. Les prisons n'affectent pas notre économie. De limiter le travail des jeunes enfants, bonne idée. D'offrir l'éducation publique gratuite pour les enfants, oui, on veut avoir une génération éduquée. Mais une fois que les chrétiens ont dit « Non, l'esclavage est une honte, il faut l'abolir. » Wow! Et croyez-le ou non, mes amis, ça a pris 40 ans avant que l'Angleterre était le premier pays d'abolir l'esclavage. Le texte fondamental des messieurs comme Wilberforce, Shaftesbury, Charles Siméon, vous êtes le sel de la terre. Mais le texte offre un deuxième métaphore, comparaison. Vous êtes la lumière du monde. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas de livre chez nous, The Joy of Light. On ne l'a pas. Mais j'ai mijoté ça. Et j'ai pris ma lampe de poche et j'ai dit, aujourd'hui, ici, je n'ai pas besoin d'une lampe de poche. Mais moi, je me lève très tôt le matin. Trop tôt pour mon épouse. Ah, mais je suis un lève-tôt. Donc, je ne veux pas le déranger le matin quand je me lève. Donc, j'ai une petite lampe dans ma placard pour que je puisse sortir mes vêtements et m'habiller sans le déranger. Et la lumière est incroyablement utile quand il fait noir. Ma première expérience avec la lumière, quand j'ai dit « Ah, maintenant je comprends », c'est quand notre fille aînée, Jenna, qui a maintenant 30 ans, elle avait 1 an. Et Cindy et moi avons dû aller dans l'Ouest canadien parce que j'ai enseigné dans une fac cet été. Et Jenna a appris à marcher pendant qu'on était dans l'Ouest canadien. Et lorsque nous avons mijoté le voyage de retour de Vancouver à Montréal avec une enfant de 1 an qui n'avait qu'une préoccupation à cet âge-là. Elle voulait marcher. Elle venait d'apprendre à marcher et tout ce qu'elle voulait faire, c'était d'explorer. Et j'ai dit, comment allons-nous traverser le pays 6 jours dans une véhicule avec une enfant qui était dans un siège d'enfant en train de faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Et elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait faire. Donc, un de mes amis m'a dit, Glenn, voici ce que moi j'ai fait. Il dit, on se lève à 3 heures du matin, on a mis le bébé dans le véhicule et ensuite, on a conduit jusqu'à à peu près 8 heures du matin. Lorsque l'enfant s'est réveillé, on a arrêté, pris un petit déjeuner, on l'a remis dans le siège d'auto pour continuer jusqu'à 1 heure de l'après-midi, après la petite somme, et ensuite, on avait toute l'après-midi dans un hôtel, dans une piscine, pour qu'elle puisse courir. J'ai trouvé l'idée géniale, à part du fait, 3 heures du matin, pendant 6 jours, es-tu malade? En tout cas, il m'a convaincu, donc c'est ça qu'on a fait. Pour la première fois dans ma vie, j'ai expérimenté le lever du soleil sur les prairies du Canada. Parce que je traversais, j'étais seul, il n'y avait même pas des camionneurs à cette heure-là. Et tout d'un coup, chaque matin, les rayons du soleil ont percé les ténèbres. Et sur l'horizon, tout un coup, ce qui était ténébreux, il y avait la pleine luminosité. Et j'ai dit, waouh! Nous sommes, même verbe, pas vous devriez être, pas ça serait une bonne idée si tu y penses. Vous êtes comme ces rayons qui percent les ténèbres. Maintenant, quand Jésus utilise ici, selon Matthieu, ce mot, le monde, c'est le mot cosmos qui représente la façon que les gens pensent. Ce n'est pas géographique, comme le mot monde dans le premier métaphore. Maintenant, dans les idéologies, dans les visions du monde, dans l'image sociale des gens autour de vous, vous êtes comme un rayon. Ceci va exactement avec tout l'enseignement biblique. Jean chapitre 1 et le verset 5. Notre Père céleste, il est lumière. Selon Jacques, le Créateur, il est le Père des lumières. Littéralement, le Créateur de toute lumière. Et Jésus l'a dit dans Jean 2 fois, « Je suis la lumière du monde. » Donc, la raison pour laquelle nous sommes appelés la lumière du monde, c'est parce qu'autrefois, nous étions dans le péché. Et le péché est bibliquement les ténèbres. Mais quand Jésus nous a sauvés, quand Jésus nous a enlevés du péché, Paul l'a bien dit, on était transportés du royaume des ténèbres au règne de la lumière. On était illuminés. Et ceux et celles qui sont illuminés sont appelés à être la lumière. Maintenant, le sel, c'est une exigence, c'est notre comportement. Mais la lumière représente notre vraie nature, qui on est. Et le texte l'illustre bien maintenant. Et dans le verset 16, Jésus dit, dans mon texte, ça dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller. Dans le texte original, ça dit, brille. C'est un impératif. OK? L'invitation précède l'impératif. Voici le premier impératif dans le sermon. Et Jésus dit, vous avez décidé de me suivre? Que fait ceux qui suivent? Ils brillent. Et Jésus continue ici. Il dit, que la lumière brille devant les gens. Et maintenant, mes amis, j'aime tellement ceux qui suivent. Afin que les gens, ou pour que les gens, pour que les gens autour de vous voient vos œuvres bonnes. Voyez le texte? Afin qu'ils voient le bien que vous faites. Et que fait la lumière? La lumière met la lumière sur ce qui devrait être vu. La lumière cache. Non, fait chasser les ténèbres. Et maintenant, le texte dit, les gens autour de vous vont voir le bien que vous êtes. Et ensuite, ils vont vous applaudir. Non, non. Qu'est-ce que le texte dit? Et ils en attribuent la gloire, le crédit à votre Père céleste. Donc, quand nous brillons, le but, ce n'est pas nous. Le but, c'est Dieu. On veut que Dieu voit le bien que nous sommes dans notre milieu. Pierre va dire sensiblement la même chose. Dans 1 Pierre, il décrit les premiers chrétiens dans ces régions à qui il a envoyé sa lettre, il les a appelés les pèlerins, il les a appelés les réfugiés, les gens de passage. Et ensuite, il dit, faites le bien pour que les gens puissent voir vos œuvres bonnes et donner le crédit, accorder l'honneur, rendre la gloire à Dieu. Et de la même façon qu'il y avait des chrétiens dans le 19e siècle en Angleterre, qui étaient le sel du monde, pensez aux multiples exemples, même ici au Québec, quand l'Église était la lumière. Et c'est une invitation de refléter notre vraie nature en tant que ceux et celles qui ont décidé de suivre le Maître. L'année passée, Sandy et moi étions deux fois en Afrique du Sud. Et qui était l'instance qui a lutté contre l'apartheid? C'était des chrétiens qui ont dit, notre vraie nature n'est pas que nous sommes noirs ou les Indiens qui sont différents ou les Blancs. Non, notre vraie nature, c'est que nous sommes chrétiens. Et c'était les gens qui ont contesté contre l'apartheid parce qu'ils ont dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni grec ni juif. Il n'y a ni noir ni blanc. Parce que notre vraie nature se situe dans notre suivance en Jésus. Vous êtes le sel de la localité. Vous êtes la lumière dans la façon que les gens pensent. Maintenant, il y a une troisième métaphore dans le texte. Et on n'en parle pas souvent. Mais Jésus le dit. Parce qu'il dit ici dans le texte, au verset 15, quand il dit une ville sur une colline, ou une ville au sommet d'une colline, n'échappe pas au regard. Situons cette métaphore géographiquement à l'époque de Jésus. Le sermon sur la montagne a été donné dans le nord de Palestine, probablement dans les alentours de Capernaum, la ville de Jésus. Mais c'était une région pas montagneuse, mais loin d'être plat. La plus grande ville dans le nord s'appelait Séphoris. Capernaum avait probablement 5000 personnes. Nazareth, peut-être 3000 personnes. Séphoris, selon les études archéologiques, 120 000 personnes. Et nous pouvons facilement imaginer Jésus, vous êtes le sel du monde, vous êtes la lumière du monde. Et ensuite, il dit, vous voyez Séphoris, une ville sur une colline, n'échappe pas au regard. Et tout le monde a dit, ça c'est vrai. On le voyait. Quand vous descendez le Saint-Laurent, le Québec n'échappe pas au regard. Quand vous arrivez à Montréal sur le pont Champlain, au rythme de lente, moi je l'ai fait hier, ça c'était une gaffe, une heure pour faire 2 kilomètres. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit la croix sur le Mont-Royal. Partout dans le monde, il y a des villes qui sont sur des collines. Et lorsqu'on les voit, on dit, c'est vrai, il est là. Et Jésus en a profité pour dire, vous êtes comme une ville sur une colline. Les gens vous voient et ils disent, c'est vrai, vous êtes là. Donc, mes amis, ce matin, dans notre étude, nous sommes le sel du monde, dans notre localité. Nous sommes la lumière dans la façon que les gens pensent. Et nous sommes aussi une ville sur une colline. Donc, je termine ce matin avec ma fameuse question. Puis donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment sommes-nous lumière, sel et une ville sur une colline? Mais pensons-y. Tout d'abord, dans notre quartier. Dans votre famille élargie. Au travail. Auprès de vos amis, votre réseau d'amis. Comment sommes-nous, sel, lumière et une ville sur une colline, sur la promenade Ontario? Et je vous laisse avec la question ce matin. Comment allons-nous pratiquer qui on est? Cindy et moi, nous avons un voisin. On est voisins maintenant depuis 25 ans. Son conjoint, il est mourant. Quand moi, je l'ai rencontré, nous avons acheté notre maison de mon ancienne secrétaire. Donc, elle aussi était un disciple de Jésus. Et quand elle m'a présenté à nos voisins, la première chose que mon voisin m'a dit, Si tu ne me parles jamais de ton Dieu, on va être des bons amis. Quelle bienvenue dans le quartier. J'ai appris par la suite que lui, il a perdu sa première femme. Elle est morte le 25 décembre. Et il reste très amer envers Dieu. Mais maintenant, il est mourant. Il souffre du cancer. Et Wendy et moi, nous lui parlons chaque semaine. Souvent, sa conjointe vient me voir parce qu'elle me donne des requêtes de prière. Et elle dit, « Me semble que tes prières sont beaucoup plus efficaces que la mienne. » OK. D'être sel et lumière, ce n'est pas compliqué. Parce que ce n'est pas un truc, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un plan. Vous êtes. Donc, il faut pratiquer notre être. Sur le promenade, Sandy nous parle depuis quelques semaines sur le OPA. Et le fait que les églises du coin se réunissent pour étudier notre milieu et ensuite offrir nos suggestions. Et maintenant, de plus en plus dans l'arrondissement, l'église reprend sa place. Nous sommes une instance qui est maintenant invitée aux rencontres et aux tables de concertation. L'Église est réinsérée dans le dialogue, dans l'arrondissement. On n'est plus écarté parce que nous sommes sel, lumière et ben, pas une ville sur une colline. Nous sommes un bâtiment sur la promenade. Les gens nous voient. Imaginez, on était plus chef du blé d'Inde. Je ne sais pas vos discussions, mais sur les 300 personnes qui sont venues, mes discussions, beaucoup de gens ont dit, je ne savais pas que c'était une église. Mais misère, on est là depuis 100 ans. Le bâtiment est là, vous avez vu le pierre angulaire. On est là depuis... Mais il y a des gens, je ne savais pas que vous étiez là. Et mes amis, nous sommes sel, lumière. Et on est là. Donc, cette semaine, je vous invite d'y penser, y réfléchir. Comment est-ce que je vais pratiquer ma différence cette semaine en tant que sel? Comment est-ce que je vais démontrer ma vraie nature cette semaine? Comment est-ce que je vais briller cette semaine? Et encore, nous sommes une entité. Et pour cette raison, je continue de vous inviter de venir le mercredi. Et ce mercredi, on va étudier ce texte. Donc, venez à 19h si vous êtes intéressé. Et on va continuer nos discussions. Voici qui on est. Sel, lumière et une ville sur une colline. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce texte qui nous invite de réfléchir et d'agir sur qui on est. Et je t'invite, Seigneur, de nous remplir de ton esprit pour que nous puissions, en tant que communauté, vivre qui on est, comme sel, lumière et une ville sur une colline. Pour que toi, tu puisses recevoir tout le crédit. Au nom de Jésus. Amen. Bon après-midi.